corasso.org. Corasso, association de patients qui informe et soutient les personnes touchées par un cancer ou un cancer rare tête et cou, plus communément appelé cancer ORL, vous propose un podcast consacré à la trachéotomie. Pour répondre aux questions que se posent les patients, le docteur Maria Lesnik, chirurgienne ORL de la face et du cou à l'Institut Curie, est avec nous. Bonjour docteur Lesnik. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'une trachéotomie ? Une trachéotomie, c'est un orifice qui est réalisé chirurgicalement, qui permet d'accéder directement à la trachée en traversant la peau. Donc on incise en bas du cou, au milieu, sur la ligne médiane, donc tout en bas du cou, on fait une petite incision et on va aller directement rechercher la trachée pour réaliser un orifice dans cette trachée et insérer à l'intérieur de cette trachée une canule. Alors pourquoi on peut être contraint à faire une trachéotomie ? Il y a deux cas de figure. Il y a la trachéotomie que l'on réalise lors d'une intervention dont on sait que les suites vont potentiellement être difficiles sur le plan respiratoire. Et puis, il y a l'autre cas qui est la trachéotomie qui peut être en urgence ou en semi-urgence lorsqu'il y a une obstruction au niveau du larynx ou bien au-dessus du larynx et qui gênerait la respiration d'un patient. Qu'est-ce que ça implique pour le patient, que ce soit pour la respiration, la parole ? La respiration, justement, le but de la trachéotomie est de la rendre la plus simple possible. C'est-à-dire que si on réalise une trachéotomie, c'est justement parce qu'on sait que cette respiration va être compliquée. Donc la respiration se fait directement par la trachéotomie, par le petit tube qui s'appelle une canule, qui va directement permettre de mettre l'air dans la trachée, les bronches et les poumons, et permettre une respiration simple. Au niveau de la parole, eh bien ça dépend du type de canule que l'on va mettre, on va l'évoquer tout à l'heure. Parfois, et surtout dans les premiers jours post-opératoires, on met une canule qui empêche de parler, mais dans les jours qui suivent, on peut la changer pour mettre une canule qui permet la parole. Quels sont les soins à faire lorsqu'on a une trachéotomie ? Est-ce qu'on peut les effectuer seul ? Il y a de nombreux soins à faire au tout début, après la réalisation de la trachéotomie, et puis ces soins s'allègent progressivement. Il y a évidemment les soins au niveau de la cicatrice de la trachéotomie, de la zone incisée, où il y a une plaie, donc il y a des nettoyages à faire avec des compresses, du sérum physiologique. Et puis il y a des soins à faire, puisque la respiration, l'air ne passe plus par le nez, la bouche, et donc l'air qui arrive dans les poumons n'est plus filtré, réchauffé, humidifié par les voies aériennes supérieures. Donc c'est leur fonction habituellement, mais arrive directement de l'extérieur vers les poumons. Cet air, il faut le réchauffer, le filtrer et l'humidifier. Donc c'est pour ça qu'on doit réaliser des aérosols par exemple. Donc les aérosols, c'est un petit dispositif qu'on va mettre devant la trachéotomie qui va permettre d'humidifier l'air. Donc ça va être de l'air avec qui pulvérise soit un médicament, soit uniquement du sérum physiologique, pour pouvoir aller traiter directement les bronches et la trachée et rendre la respiration plus confortable. L'aspiration, qu'est-ce que c'est ? Alors justement, comme on ne respire plus un air qui a été filtré, humidifié et réchauffé, eh bien souvent, les patients dans les jours qui suivent la trachéotomie ont ce qui s'appelle une hypersécrétion bronchique. C'est-à-dire qu'ils vont avoir énormément de glaire, de crachats qu'ils vont vouloir expectorer, sauf qu'ils ne peuvent plus tousser de manière autonome et simple, et donc régulièrement on fait ce qui s'appelle une aspiration, c'est-à-dire qu'on met une petite sonde qui permet d'aller aspirer directement dans la trachéotomie les sécrétions qui gênent le patient. Et qu'est-ce qu'un filtre d'une trachéotomie ? Alors le filtre, c'est un petit dispositif qu'on met sur le bout de la canule et qui permet justement de filtrer l'air pour éviter que des particules ne rentrent dans le tuyau et donc dans la trachée. Vous pouvez nous présenter justement les différents types de canules ? Il existe différents types de canules. Il existe des canules à ballonnets. Ce sont des canules dont l'objectif est de protéger les poumons de tout ce qui peut tomber dans les poumons, c'est-à-dire du sang, de la salive, de l'alimentation, des sécrétions. Le ballonnet est autour de la canule, donc on respire par l'intérieur de la canule, et le ballonnet autour de la canule permet de protéger donc tout ce qui se passe en dessous de la canule de ce qu'il y a au-dessus. Ça, c'est la canule à ballonnet. Et puis, quand on a passé les premiers jours post-opératoires, les premiers jours qui peuvent être un petit peu difficiles sur le plan des sécrétions, sur le plan des saignements, on peut changer cette canule et mettre une canule fenêtrée, c'est-à-dire une canule avec un petit orifice à son milieu. Quand on bouchera la canule à l'extérieur, l'air n'a qu'une solution, c'est de passer directement vers le haut, vers les cordes vocales. Et donc, le patient va pouvoir commencer à faire sa rééducation, à parler sur cette canule fenêtrée. Peut-on manger avec une trachéotomie. Régulièrement, après une grosse intervention qui a nécessité la pose d'une trachéotomie, il y a aussi des cicatrices dans la bouche, dans la gorge, à côté du larynx, à côté du pharynx. Et ces cicatrices, on veut les protéger de l'alimentation. Donc dans les premiers jours, les patients ont souvent une trachéotomie et aussi une sonde nasogastrique ou une gastrostomie, qui sont deux dispositifs pour s'alimenter directement dans l'estomac, sans qu'il y ait d'alimentation qui passe sur les cicatrices. Donc souvent dans les premiers jours, on ne mange pas, mais bien entendu, une fois que la cicatrisation est acquise ou que la trachéotomie est en place pour une autre raison, par exemple une tumeur qui évolue et pour laquelle on a dû mettre une trachéotomie, eh bien quelques jours après la trachéotomie, on peut recommencer à manger avec d'abord des textures adaptées qui sont plus simples à avaler et enfin une alimentation qui peut être normale si les autres paramètres le permettent, s'il y a par exemple pas de tumeur dans la bouche ou si la déglutition est normale. Pour se laver, se baigner, comment ça se passe ? Étant donné qu'on a un orifice qui permet une communication directe de l'extérieur vers la trachée et les poumons et qu'il n'y a plus le clapet, la fermeture du larynx qui protège les poumons, il ne faut évidemment pas immerger la trachéotomie puisque dans ce cas-là, l'eau irait directement dans les poumons. Évidemment, on peut quand même se laver, on peut se doucher avec des dispositifs de protection de la canule qui permettent d'avoir une hygiène tout à fait normale. Comment décide-t-on qu'on peut retirer la trachéotomie d'un patient ? On décide qu'on peut retirer la trachéotomie quand on sait que la cause pour laquelle on a réalisé la trachéotomie a disparu ou bien est en voie d'amélioration. Par exemple, quand on a opéré un patient et qu'on a réalisé la trachéotomie pour s'assurer d'une ventilation dans les suites post-opératoires, une fois que le patient a bien dégonflé, on fait des essais, c'est-à-dire qu'on a mis une canule avec une fenêtre, donc l'air peut remonter dans la gorge et remonter par le nez. On peut donc faire des essais où on bouche la canule à l'extérieur. Le patient respire par l'orifice, la petite fenêtre de la canule qui est à l'intérieur de la canule. Et puis, on voit combien de temps il tient avec ce bouchon. S'il arrive à tenir plusieurs heures, une nuit, une journée complète, on sait qu'il est devenu autonome sur le plan respiratoire, qu'il n'a plus besoin de cette aide et qu'on peut donc retirer la trachéotomie. Si jamais on a réalisé la trachéotomie parce qu'il y avait par exemple une tumeur importante qu'on n'a pas opérée mais pour laquelle on a fait une chimiothérapie, on peut parfois retirer cette trachéotomie quand la tumeur a diminué de taille. Et le trou qui a été fait pour la trachéotomie, comment se referme-t-il ? Lorsqu'on enlève une trachéotomie, le trou se referme tout seul en plusieurs jours, parfois plusieurs semaines si le patient a eu de la radiothérapie, puisque la radiothérapie ralentit la cicatrisation. Donc en règle générale, une fois qu'on a retiré la canule, on met un petit pansement qui comprime l'orifice et le patient doit, à chaque fois qu'il parle, qu'il tousse, qu'il éternue, appuyer sur le petit trou pour éviter que l'air ne fuit par l'orifice de trachéotomie et que ça pérennise l'orifice. Mais ça nécessite aucune intervention ? Aucune intervention. Y a-t-il des séquelles ? Il reste la cicatrice au niveau de la peau et très très rarement, exceptionnellement, il peut y avoir des séquelles quand par exemple une trachéotomie a été en place pendant de longues semaines. Il peut y avoir des cicatrices au niveau de la trachée qui peuvent nécessiter une réintervention, mais c'est exceptionnel. Merci beaucoup docteur Maria Lesnik d'avoir répondu aux questions autour de la trachéotomie. Je rappelle que vous êtes chirurgienne ORL de la face et du cou à l'Institut Curie. Au revoir. Au revoir, merci. Corasso.org. Pour plus d'informations et poser vos questions aux spécialistes des cancers tête et cou, rendez-vous sur corasso.org, notre site dédié à l'information patient, aidant et soignant.